suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec les animaux, une série de Marie Chartron réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a ce territoire qu'on partage avec nos voisins omniprésents que sont les animaux. Et cette envie d'en savoir plus sur les liens qu'on tisse parfois sans le savoir, même quand on étudie les grands singes. Alors pour commencer, les personnages. Une vétérinaire qui fait le tri, un éthologue qui décrit, des gorilles psychotiques, des primates, des soignants pionniers, un historien biographe, deux singes comédiens, une primatologue parmi les singes et des pisteurs qui ont du nez. Ensuite, le décor. Des zoos, de l'improvisation, la maltraitance, la captivité, des nids, des cages, le zoo de Manchester, des outils, l'anthropologie, des odeurs, la pollution et une rencontre. Aujourd'hui, deuxième épisode, on remonte le temps. Les primates enferment un bon nombre de petits animaux répartis parmi le monde entier. Comprenant par exemple les lémures. 1951. Je regrette de n'avoir pu encore enregistrer un de ces types que les indigènes de Madagascar appellent le chien des forêts. Avec son gris constant et blintif. En Amérique du Sud, nous avons quelques petits singes avec des voix remarquables. Par exemple, le saï, avec le caquettement semblable à celui d'un oiseau. Voici le saï brun de l'Amérique du Sud. Photos de famille, des singes et des humains. En 1976 paraissait aux éditions des Femmes, en littérature jeunesse, l'histoire vraie des bonobos à lunettes. Récit d'émancipation des femelles bonobos qui, accompagnées de leur progéniture, quittent les mâles pour inventer une autre vie. On peut discuter sur le fond de l'intrigue, mais un fait est certain. Par leur morphologie et parfois leurs rapports sociaux, bonobos, chimpanzés, gorilles et orang-outans offrent une surface de projection troublante. Homo simiens. Le chimpanzé Pépé se prélasse dans les bras de Léo Ferré. Nénette, l'orang-outan, vient de fêter publiquement ses 50 ans au Jardin des Plantes, et dans tous les imaginaires résonnent encore les aventures des Trimates, le trio de primatologues constitué par Diane Fosset, Jane Goodall et Birute Galdikas, qui ont révolutionné leur discipline. Marie-Claude Bomsel est vétérinaire et professeure au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a longtemps dirigé la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Au début de sa carrière, dans les années 1970, la primatologie était encore un territoire à défricher. Elle n'était pas balbutiante, elle n'existait pratiquement pas. Si on prend en référence Lorenz qui a eu le prix Nobel en 73, vous voyez, l'éthologie, et c'était sur d'autres animaux, les oies, on travaillait sur les rats, les abeilles. Les singes, paradoxalement, servaient à une expérimentation de recherche très dure médicale, mais ils n'avaient pas du tout de possibilité d'être en tant que primate. C'est le paradoxe, parce qu'ils coûtaient cher, parce qu'on était mal à l'aise, peut-être l'aspect miroir déformant du singe, vous savez, qui fait qu'on travaillait uniquement dans des conditions drastiques, des expérimentations de vaccins, de traitements et tout, mais il n'y avait pas d'aspect éthologique du grand singe. Et pour en revenir au monde des parcs zoologiques, soyons honnêtes, ces animaux, enfin jusqu'à la Convention de Washington, qui elle aussi va arriver en 73 et qui va réguler le commerce des animaux, moi je suis arrivé en 71, les animaux arrivaient encore de la nature. Et à mon avis, trafiqués dans des conditions difficiles, j'ai vu arriver la fameuse nénette en 72, dans une cage, terrifiée, on n'avait pas de passé, il y avait encore des marchands d'animaux, on a oublié, c'est quelque chose dont on n'est pas très fier. Nénette, désormais, est la seule au Jardin des Plantes née en nature. Maintenant, tous les orang-outans qui sont en zoo, à part justement des vieux comme elle, et ce sont des records d'âge, sont nés en zoo. Mais à cette époque, c'est tout. Donc moi, j'ai vu arriver elle et son premier mâle Toto dans des conditions vraiment terribles, accrochés aux barreaux et tout. Et j'ai fait une chose, j'étais la seule femme dans ce milieu, c'était tout ce que des soigneurs. J'ai pris cet animal dans les bras, comme fait une mère, c'est logique. Et les soigneurs se sont reculés au départ, affolés. Tous les soigneurs étaient ruraux, ils travaillaient avec des vaches, c'était une époque tout à fait différente, on ne connaissait rien. Les orang-outans de la ménagerie ou les gorilles vivaient 4, 5, 6 ans. Et était terriblement névrosé. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez me dire, à qui s'adresser? J'avais le téléphone avec quelques confrères français, ceux qui avaient des sages, et puis des confrères anglais et allemands, et on sait qu'en France, c'est pas terrible. Donc je posais ma question, que j'avais bien préparée, et ils répondaient, et je me disais, yes, voilà. Je plaisante, mais c'était à peu près ça, les conditions. Petit précis de généalogie. Dans la végétation poitevine, nous sommes face au domaine des chimpanzés et l'éthologue Jean-Pascal Guéry, directeur du parc animalier La Vallée des Singes, nous observe. Un primate, c'est un mammifère qui a une main. Donc une main, c'est 4 doigts et 1 pouce, plus ou moins opposables selon l'espèce. Mais voilà, ça c'est le point commun, le plus visible en tout cas, qu'on va partager avec les autres primates, la main. On a un cerveau développé, donc ça c'est pas facile à voir de l'extérieur, mais en tout cas on a tous un cerveau développé, on a et les yeux plutôt en façade de la face, hein, sur notre face, à l'opposé du lapin par exemple, ou même du chien qui va avoir les yeux beaucoup plus écartés. Après, chez les primates, on peut voir deux grandes familles, d'un côté les singes, ou simiens, et puis ce qu'on appelle les prosimiens. Voilà, et puis si on se focalise sur notre famille à nous, les grands singes, les hominidés, on va avoir ceux qui se sont séparés de notre ancêtre commun le plus tôt, qui sont tous les gibbons. Tous les grands singes, en fait, on va avoir comme caractéristique de ne plus avoir de queue, voilà, et d'avoir un coccyx. D'accord. Et ça, on va le retrouver des gibbons jusqu'aux chimpanzés, en passant par l'humain, le gorille ou l'orang-outan. Voilà. Donc les gibbons sont un petit peu à part. Ils ne construisent pas de nid le soir pour passer la nuit, alors que les autres grands singes, chimpanzés, bonobos, orang-outans, gorilles, vont tous savoir utiliser des outils lorsque c'est nécessaire et construire des nids chaque soir, un nid différent dans lequel ils vont passer la nuit, généralement à hauteur dans les arbres pour échapper aux prédateurs. Et ça, c'est une caractéristique commune après à tous ces gros autres grands singes qui sont les plus proches de nous, en fait. Orang-outans, bonobos, chimpanzés et gorilles. Sabrina Krief, vous êtes vétérinaire, professeure au Muséum d'Histoire Naturelle, et vous avez étudié les chimpanzés au Congo et les chimpanzés sauvages de l'Est, en Ouganda. Sur quelle branche se trouve-t-il de notre arbre généalogique commun et sur quelle branche nous trouvons-nous? Alors effectivement, on fait partie des primates, comme un peu plus de 500 autres espèces qui vivent actuellement sur la planète. Donc ça peut paraître énorme, mais parmi ces primates, il en existe une famille qu'on appelle les hominidés, qui est beaucoup plus restreinte et qui ne compte que 8 espèces. 7 espèces donc de grands singes non humains et nous autres humains. Et donc parmi ces grands singes non humains, on trouve 2 espèces de chimpanzés, 2 espèces de gorilles, 3 espèces d'orang-outans. Et nous, humains, sommes les plus proches parents des chimpanzés. Donc ce genre qui s'appelle Pan, et parmi lesquels on trouve Pan troglodytes, le chimpanzé commun, et Pan paniscus, le bonobo. Et de façon étonnante, nous sommes plus proches des chimpanzés que les gorilles ne sont proches des chimpanzés. Donc ce sens de la famille que l'on ressent quand on croise le regard des chimpanzés ou des grands singes, c'est pas une vue de l'esprit, c'est normal, on a beaucoup de choses en commun, donc non seulement génétique mais aussi comportementale, et donc on a forcément des repères qui nous permettent de mieux les comprendre, de mieux comprendre leurs expressions faciales par exemple, leur communication, et c'est ça qui nous fait nous sentir si proches d'eux. Wow. à la ménagerie quand je suis arrivée, il y avait donc les orang-outans qui sont arrivés et des gorilles. Ces gorilles, c'était, alors ça remonte encore plus loin que moi, les gorilles du fameux Dr. Schweitzer. Pour ma génération, il est minuit, Dr. Schweitzer. Il travaillait en Afrique et il prenait des bébés gorilles comme animaux de compagnie en Afrique. Puis après, ils les ont ramenés à Paris. Vous voyez la méconnaissance. Ils l'ont mis en appartement. Ils ont dévasté l'appartement, bien entendu. C'était déjà des animaux qui étaient ce qu'on appelle imprégnés, dans des conditions assez étonnantes d'un laboratoire. Ils arrivent dans un appartement parisien, ils dévastent tout. Et donc, ils les ont donnés à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et moi, j'ai hérité, entre parenthèses, de ces gorilles qui étaient adultes, qui avaient 7-8 ans, et qui étaient névrosés. Vraiment névrosés, j'irais même dire psychotiques, on pourrait dire à cette époque. Ils évitaient le regard, ce qui est une chose classique chez les gorilles, parce qu'ils n'aiment pas le regard de face, mais ils l'évitaient carrément, et ils s'auto-mutilaient. Vous imaginez où on en était. Donc, on s'est mis avec les soigneurs à rentrer. J'ai eu la chance d'avoir un groupe de soigneurs. Ce sont eux qui sont fondamentaux dans un zoo, qui étaient des nouveaux, des jeunes, qui sont rentrés en même temps que moi. On est rentrés avec eux, on a repris contact, on les a sortis un peu de leur solitude, mais c'était très difficile. Le gorille est un animal très intériorisé. Les grands singes ont des comportements différents. Si ce sont des gorilles, donc c'est un harem, il y a un mâle, 3 femelles, sociaux, très calmes, terrestres, mangeant des racines, faisant énormément de siestes. Moi qui ai vécu auprès des gorilles, j'y suis allé dernièrement encore les voir au Rwanda, pétant, rotant, le bon père de famille. Bon, et c'est sa façon à lui d'être primate, et très impassible, parce qu'il joue sur la force, vous savez, le grand King Kong, l'image un peu ridicule. L'orang-outan va être un animal qui va vivre en arboricole, à 50 mètres du sol, qui a une autre vision, qui est extrêmement réfléchie, qui va écouter les bruits de la forêt, qui est un fin botaniste, qui va aller cueillir chaque chose, qui va regarder, d'ailleurs on le voit en parc zoologique, qui fait la même chose, il est en hauteur, il regarde, c'est le plus réfléchi, mais aux yeux des gens le plus bête, parce que si vous voulez, cette réflexion ne nous apparaissait pas, contrairement aux chimpanzés qui sont adorés en zoo, parce que donc sociaux, grimaçants comme nous, expressifs, avec confusion, c'est-à-dire quand il y a des signes d'agressivité comme ça, on croit que c'est un rire, alors que c'est de l'agressivité, mais aux yeux du public, et même à cette époque-là, un peu à nos yeux, plus jovial, ce qui était ridicule. En fait, c'est simplement des rapports sociaux basés sur la mimique. Ils n'ont pas la parole, mais ils ont leur langage propre. Et ce langage, il faut l'apprendre. Et nous, nous voulions absolument, en somme, leur fournir le nôtre. Et nous n'avons pas eu de bonobo, il n'y en avait pas, il y en a très peu, les bonobos, le quatrième grand singe, le chimpanzé nain pacifique, qui n'est pas autant qu'on dit, faites l'amour et pas la guerre. Donc lui était méconnu à cette époque-là, mais pareil, il y a une autre position, puisqu'ils règlent tous, effectivement, par des aspects sexuels, entre mâles, femelles et petits. Donc vous voyez, c'est ça, être primate, c'est pas être homme. En plus, ces animaux-là ont leur propre culture locale quand ils viennent. Il y a aussi ceux qui arrivaient d'autres zoos, qui avaient connu des gens, créé des relations. Même paradoxalement, ceux qui venaient d'Allemagne ou d'Angleterre, qui avaient entendu d'autres sons. Ils s'habituent, vous savez, nos chats chiens connaissent des choses pareilles. Donc c'était très très difficile. Je suis comme tout le monde très culpabilisé d'avoir vécu en parc zoologique, mais fier des progrès que nous avons faits, même si le public ne s'en rend pas compte. Car le public, lui, il veut toujours un spectacle. Ça ne l'intéresse pas de savoir ce qu'il y a derrière. À Bâle, le parc zoologique se trouve tout près de la gare de chemin de fer. La plupart des gros oiseaux qui habitent le zoo sont libres de voler, et il peut ainsi vous arriver de voir au-dessus des gares de triage une cigogne ou un cormoran rentrer à tire-d'aile. La maison des singes constitue une autre surprise. Elle est construite comme un théâtre circulaire à 3 scènes. L'une pour les gorilles, l'autre pour les orang-outans, et une troisième pour les chimpanzés. Vous pouvez prendre place sur l'un des gradins, comme dans un théâtre grec, ou alors vous rendre au bord de la fosse et coller votre front sur la vitre d'isolation. D'une certaine façon, l'absence de son rend plus expressif le spectacle qui se déroule de l'autre côté, à la manière d'un mime. Elle permet aussi aux singes d'être moins importunés par le public. Eux non plus ne peuvent pas nous entendre. Des deux côtés de la vitre, les acteurs peuvent s'imaginer être le public. Des deux côtés, le drame commence par la ressemblance et la relation inquiétante qui existe entre ressemblance et proximité. John Berger, Théâtre de singes. Et maintenant, deux numéros d'acteurs. D'abord, un film muet du début des années 1930. Scène 1, petit minois de chimpanzé, face caméra. Scène 2, le chimpanzé roule en tricycle, suivi d'une ribambelle d'enfants. Scène 3, un humain lui gratouille le ventre. Ensuite, une photo en noir et blanc de la fin du 19e siècle. Une canne à la main, un chapeau aux deux formes dans l'autre, un chimpanzé pose, vêtu d'un costume trois pièces, nœud papillon et par-dessus. La cycliste espiègle s'appelle Méchi et l'élégant Consul. L'historien Éric Baratet leur a redonné vie dans ses biographies animales. J'ai fait ces portraits pour insister sur l'idée qu'il y avait des époques animales comme il y a des époques humaines. Et ces deux singes, en fait, représentent une période très particulière, la période, je dirais, 1850-1950, où l'on a voulu humaniser les grands singes, et notamment les chimpanzés, arrivés en Occident. Alors, en fait, ça rentre dans un mot d'ordre beaucoup plus large que ça, dans l'idée que, finalement, au XIXe siècle en Occident, qu'il faut maîtriser le monde. Donc ça passe par la colonisation des autres continents, ça passe par la mainmise sur la nature, ça passe par la mainmise sur les autres populations humaines, et ça passe par l'idée aussi qu'il faut humaniser ou civiliser, et même occidentaliser, ces chimpanzés. Et ça rentre aussi dans cette idée très forte à l'époque d'aller chercher les animaux sauvages des zones colonisées et conquises. Vous avez même un Français qui, à la fin du 19e siècle, je suis en train d'oublier son nom, écrit un livre sur le fait que, finalement, on pourrait transformer les chimpanzés en nouveaux domestiques. Parce qu'on a de plus en plus de mal à trouver, ma pauvre dame, de bonnes servantes. Hein, les Bretonnes, les Auvergnates, c'est plus ce que c'était. Et donc, on pourrait les remplacer par des chimpanzés qui deviendraient des serveurs, ils vous amèneraient à table et ils vous serviraient le thé, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette idée d'une domestication et d'une humanisation. Et donc c'est dans cette époque-là que vivent Consul et Méchi. Alors Consul, c'est en fait un chimpanzé donc, qui arrive aux eaux de Manchester, qui est à l'époque un espèce de Disneyland. On voit des animaux, mais on peut aussi patiner, danser, aller dans les restaurants, il y a des hôtels, etc. C'est vraiment le Disneyland de l'époque. Et Consul est acheté, justement, on veut un singe qui ait l'habitude de manger, de s'habiller et de manger à table. Et il a été éduqué comme ça par ses premiers maîtres occidentaux en Afrique pour pouvoir le vendre plus cher. C'est un petit chimpanzé dont la mère a été tuée. Bien sûr, voilà, oui, bien sûr. Hein. Comme tous les animaux sauvages de l'époque, hein, il faut tuer les individus autour pour pouvoir attraper, ce qui génère d'énormes mortalités. Hein. Violette Pouillard a calculé que, par exemple, pour avoir un gorille de l'Est vivant dans un zoo occidental, il y a une trentaine de morts auparavant. Hein, entre au moment de la capture, au moment du transport, etc. etc. Hein, donc là, c'est son cas. Et le zoo de Manchester l'achète pour pouvoir faire attraction. Et il arrive en 1893. Il arrive à Manchester. Et ce qui est intéressant, et c'est l'intérêt de prendre le côté animal, c'est qu'on voit qu'en fait, ce n'est pas un objet inerte. Il comprend dans quoi il est, il comprend comme ce qu'il faut faire pour obtenir un certain degré de liberté, pour améliorer sa condition, et donc il participe à l'affaire, mais il participe à l'affaire parce qu'il en tire bénéfice. Ça lui permet par exemple de sortir de sa cage. Parce qu'au bout d'un moment, on comprend qu'en le promenant dans les allées du zoo, il marche debout, il marche habillé, eh bien, c'est une attraction. Au lieu de laisser dans sa cage, on multiplie l'attraction, on fait venir encore plus de visiteurs qui sont contents de le voir passer dans les sentiers. Et puis, il obtient aussi le droit d'aller au restaurant, d'aller au pub. L'un de ses grands plaisirs, c'est d'aller au pub. Alors, il fait comme tout le monde au pub. Il veut fumer, tout le monde fume, donc il a la pipe. On lui donne une pipe, on la bourre avec des feuilles de thé, il me semble, hein, c'est pas du tout du tabac. Donc, ce qui est intéressant, c'est de montrer le degré d'individualité, parce que ce singe-là, il a le tempérament pour s'adapter. Il y a plein d'autres singes qui auraient dépéri. Hein, dans les zoos de l'époque, on avait calculé, lorsqu'on avait publié il y a une vingtaine d'années un livre avec ma collègue Elisabeth Ardouin-Fugier, on avait calculé que dans la plupart des zoos, 80% des individus mouraient dans l'espace d'un an, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Il faut penser aussi que c'est l'époque du darwinisme. C'est la grande idée, l'homme descend du singe. Donc si l'homme descend du singe, arriver à humaniser des singes, ça n'est pas stupide. Maintenant, on sait que l'homme ne descend pas du chimpanzé, c'est un cousin. Mais à l'époque, on est persuadé, jusqu'aux années 1950-60, on est persuadé que l'homme descend du chimpanzé. Donc cette idée de finalement donner un coup de pouce à ces chimpanzés pour les humaniser, elle est tout à fait normale à l'époque. Là, c'est calme, ouais. C'est calme parce que, en plus, on arrive dans une séance où il y a du toilettage. Le toilettage social, ce qu'on appelle couramment en français l'épouillage, même si c'est pas un terme bien approprié. Mais il occupe une grosse partie du temps en fait des primates, surtout chez les chimpanzés et les bonobos. Le toilettage social, il a vraiment un rôle fondamental dans l'entretien des relations sociales, justement. C'est entretenir la hiérarchie, la bonne entente, la cohésion du groupe. Jean-Pascal Guéry. Vous êtes directeur adjoint de la Vallée des Singes et vous n'avez pas un très bon contact avec les chimpanzés. Moi, je les aime beaucoup, mais je pense qu'eux ne m'aiment pas beaucoup. Je pense qu'il y a sans doute un feeling qui passe moins bien. Voilà. Ça, c'est un de nos mâles, voilà, qui s'appelle Wonder, qui est venu voir un peu ce qui se passait là près de la vitre. Et derrière lui, celui qui s'approche aussi. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ben là, on a entendu qu'il avait frappé contre la vitre. Là, ça ne m'était pas... C'était pas dirigé vers moi. Pour une fois, c'était le preneur de son qui était visé. Souvent, un peu, dès qu'on a un petit peu d'appareillage, les micros, avec parfois les grandes perches, lorsque c'est de la télévision ou les caméras qui peuvent être importantes. Les animaux, souvent, n'apprécient pas et viennent menacer. Voilà, donc là, c'est un peu d'intimidation. Les chimpanzés, ils se servent beaucoup de ce qu'on appelle en bon français, des displays, c'est-à-dire des démonstrations de force. Donc on hérisse le poil, on va crier, on est comme ça un peu arc-bouté, et puis on va frapper sur ce qui se présente. Donc dans le milieu naturel, vous savez, il y a ces gros arbres à racines en contrefort, qui lorsque les chimpanzés tapent dessus avec les pieds, ça résonne beaucoup, donc ça amplifie un petit peu leur démonstration de force. Ça donne un peu plus de prestance, voilà. J'imaginais pas un chimpanzé aussi impressionnant. Donc les médias grand public ont véhiculé une image faussée en fait des grands singes, que ce soit les chimpanzés ou les gorilles, parce que le cinéma du début du XXe siècle ou du milieu du XXe siècle a véhiculé de fausses images en fait, que ce soit le chimpanzé qui a accompagné Tarzan, que ce soit King Kong, ce sont deux grands singes qui restent gravés dans notre inconscient, dans notre culture, alors qu'en fait, ils ne sont pas du tout représentatifs de leur espèce. Cheetah, qui accompagne Tarzan, mais c'est un bébé chimpanzé. Effectivement, dans le film ou dans les feuilletons, on nous l'a vendu comme étant un chimpanzé adulte, ce qui n'était pas le cas. C'est un chimpanzé qui a 5-6 ans, grand maximum, donc c'est encore à peine un adolescent. Et pour King Kong, c'est la même chose, en fait. King Kong, on perd de vue que c'est de la science-fiction. Donc effectivement, les gorilles vont faire 1m60, entre 1m60 et 1m80, peser 200 à 250 kg, ce qui est déjà colossal. Hein. C'est le plus grand singe, le plus grand primate de la planète. Mais il n'est pas capable d'escalader l'Empire State Building et de se battre contre des avions de chasse. Voilà, ni de porter dans sa main une jolie blonde. Un chimpanzé, c'est un individu comme celui qui nous regarde maintenant de l'autre côté du canal et qui pèse 70-80 kg pour entre 1m10 et 1m20 debout. Voilà. Là aussi, les images changent avec l'époque. Alors, le grand singe, par exemple, le gorille, on en parle dès l'Antiquité, mais on ne le connaissait pas. Éric Baraté. Et en fait, les premiers Européens qui voient vraiment les premiers gorilles en Afrique, c'est au milieu du 18e, du 19e siècle. Notamment l'Anglais Duchayut, qui est le premier à observer des gorilles, et il en fait un portrait apocalyptique. D'où le mythe de King Kong. Le mythe de King Kong naît de cette représentation des chasseurs-explorateurs. Mais donc le singe serait un homme, mais en plus bestial, donc il risque à un moment ou à un autre de supplanter l'homme. Pas supplanter l'homme, mais plutôt de faire ressurgir la barbarie, ressurgir l'animalité. On le voit très bien dans les zoos du 19e siècle, où l'on ne tolère pas l'évasion des animaux, et en particulier l'évasion des singes. Un singe qui s'évade de sa cage, on l'abat. On l'abat parce qu'il a transgressé la frontière entre nature et culture. On n'accepte pas ça. C'est ça le risque de cette affaire. Et faire ressurgir la barbarie, c'est donc enlever les femmes. Cette idée d'enlever des femmes, elle est développée surtout au XIXe siècle. D'où le mythe de Tarzan. Cette idée que les grands gorilles attrapent. Alors au départ, c'était l'idée que ils allaient chercher dans les villages des femmes noires, et après, là, c'est greffé pour faire encore plus peur aux Occidentaux, l'idée qu'en fait, ils s'en prenaient aux femmes blanches. Alors King Kong, lui, il rassemble tout ça, puisque c'est un énorme singe, un énorme gorille d'une taille démesurée, qui est en ville, qui est dans le monde occidental, en ville, et qui ravit des femmes blanches. Donc on a là, toutes les peurs sont rassemblées dans un seul exemple. Diane Fosset pose au milieu des gorilles, Birute Galdikas porte un orang-outan, Jane Goodall semble parler avec les chimpanzés. Si les singes cristallisent de nombreux fantasmes, les singes associés aux femmes, aussi scientifiques soient-elles, décuplent l'imagination de manière très efficace. La philosophe Stine Jensen consacre un essai intitulé « Les femmes préfèrent les singes », où l'on croise aussi bien les trimates que des personnages de fiction, de Max Mon Amour à King Kong. On avait dit à Jane Goodall, les chimpanzés sauvages sont dangereux, méfiez-vous, jamais vous ne pourrez les approcher. 3 ans après, Jane Goodall joue familièrement avec les bêtes les plus sauvages du monde. C'est cette extraordinaire histoire de patience, de courage et d'amour que nous vous racontons aujourd'hui. 1973. Cette jeune Anglaise, Miss Goodall, a 26 ans et le désir d'étudier les animaux sauvages, lorsqu'elle rencontre à Nairobi, en Afrique, le célèbre anthropologue Louis Leakey. Depuis des mois, le docteur Leakey cherche quelqu'un pour une mission scientifique périlleuse, entrer en contact avec les chimpanzés sauvages. Jane accepte. Elle n'a pas de formation, mais le docteur Leakey trouve que c'est un avantage. Il pensait, dit Jane, qu'une personne sans idée préconçue sympathiserait avec les animaux et saurait les aimer. Vous avez commencé votre carrière de vétérinaire et de primatologue dans les années 90, je suppose, Sabrina Krief. Et plusieurs décennies avant vous, il y avait eu ce trio de femmes qui ont marqué les imaginaires, Jane Goodall, Birute Galdikas et Diane Fosset. De quelle manière cela a-t-il pu vous nourrir? De quelle manière avez-vous pu vous en éloigner peut-être? Alors effectivement, ce sont trois femmes qui ont la spécificité d'avoir été choisies par Louise Leakey justement parce qu'elles étaient des femmes et aussi parce que elles ne venaient pas d'un milieu déjà prédestiné, elles n'étaient pas chercheurs et elles avaient la faculté, la capacité d'exprimer de façon naïve et sans préjugés ce qu'elles observaient. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui me caractérise, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je viens du milieu vétérinaire, qui n'est pas un milieu où on étudie, en tout cas à mon époque, beaucoup l'éthologie, et je me suis intéressée à la faune sauvage de façon générale, pas forcément au comportement, mais plus à l'animal et ses interactions avec les espèces végétales et les autres animaux, donc plus à un niveau écologique que comportemental. Alors, Louise Leakey était un paléoanthropologue qui a découvert, entre autres, hein, au Kenya, dans un même site, des restes fossiles et des restes d'outils. Et ça l'a beaucoup interrogé. Il a voulu pouvoir avoir l'occasion de comparer des grands singes non humains vivant à peu près dans le même environnement et pouvant expliquer l'émergence donc de l'homme, son utilisation d'outils, ses comportements culturels. Et il a envoyé donc ces trois femmes pour avoir plus d'informations sur les grands singes. Et peu de temps après, en fait, Jane Goodall lui a annoncé qu'elle avait découvert que les chimpanzés utilisaient des outils. Et là, ça a été une découverte absolument incroyable et qui a bouleversé non seulement la primatologie, mais aussi l'anthropologie, remettant en cause le fait que seuls les humains étaient capables d'utiliser des outils et que seuls les humains auraient des cultures. Et il a fallu pas mal de temps, plus qu'une simple découverte, pour que ce soit admis. Et aujourd'hui encore, certains pensent qu'il existe un fossé important entre les outils animaux et les outils humains. 12 heures par jour, Jeanne est à son poste sur le pic. Mais cela suffit-il ? Je voulais qu'il m'accepte comme un élément normal de leur paysage de tous les jours. Elle décide de passer la nuit sur place pour vivre, se coucher et se réveiller comme eux. Et c'est peut-être cette nuit-là que les chimpanzés sauvages ont commencé d'accepter parmi eux la présence du grand singe blanc. Probablement que la vision qu'ont et qu'avaient Jane Goodall, Birute Galdikas et Diane Fossey m'ont influencé parce que quand j'ai découvert leurs travaux, j'ai retrouvé en fait ce que je percevais aussi, à savoir au lieu de s'intéresser à décrire les animaux comme des machines et comme des codes ou des individus assez peu différents les uns des autres, elles se sont toutes les trois attachées à mieux comprendre les individus, à décrire beaucoup plus les interactions au sein de ces familles qu'elles observaient. Et je pense qu'elles ont marqué un tournant important et que c'est justement grâce à cette naïveté qu'elles ont pu décrire au monde ce qu'elles voyaient sans avoir peur d'être jugées. C'est ça qui a permis de franchir un pas en gagnant en autonomie, en fait, par rapport au père et aux bien-pensants qui étaient auparavant les chercheurs qui travaillaient sur les primates. Archives Diane Fossey, 1981. 10 longues années d'observation et d'études patientes ont permis à Diane de constituer un fichier unique sur plus de 90 animaux qu'elle a chacun photographié, classifié et affublé d'un surnom. Elle connaît leur personnalité, leur goût, et a même appris à communiquer avec eux. Diane a en effet étudié le langage des gorilles. En écoutant inlassablement les enregistrements qu'elle a faits de leurs cris, elle est parvenue à distinguer et à identifier 17 sons ou vocables différents, base d'un langage rudimentaire, mais cohérent. Et surtout, elle a constitué un véritable fichier d'empreintes nasales, ces lignes faciales qui se dessinent autour des narines et qui sont aussi caractéristiques et différenciées que peuvent l'être des empreintes digitales. En fait, ce qui est absolument étonnant dans la façon dont Jane Goodall et Diane Fossey en particulier ont acquis leurs premières données, c'est la rapidité avec laquelle elles les ont faites. Pourquoi ? Parce que elles se sont en rien interdites. Elles ont pensé que pour pouvoir mieux les comprendre, il fallait les approcher. Et aujourd'hui, on met une distance entre les grands singes et nous. On garde 8 à 10 mètres de distance, alors qu'à l'époque, leur objectif était vraiment d'aller le plus proche possible et le plus rapidement possible. Donc Jane Goodall a utilisé des bananes pour approcher les chimpanzés, des moyens qui faisaient que eux-mêmes venaient au camp. Et puis Diane Fossey, pareil, c'est pas interdit d'avoir des contacts avec les gorilles, de les toucher, de nouer des relations affectives entre ses objets d'étude et elle-même. Aujourd'hui, donc, on garde non seulement cette distance physique, 8 à 10 mètres, on ne nourrit absolument plus les grands singes. images. Et surtout, on s'interdit d'avoir des marques d'affection, de curiosité, d'intérêt envers eux. Au contraire, on essaye d'être le plus neutre possible dans l'habitat pour pouvoir capter ce qui est leur valeur intrinsèque, leur comportement à eux, sans avoir été perverti, entre guillemets, par des contacts avec les observateurs et les humains que nous sommes. Au début des années 70, Marie-Claude Bomsel et ses collègues de la génération pionnière inventent leurs approches éthologiques. On n'y connaissait rien. On ne se souciait pas d'être au contraire du comportement humain. Et qui plus est, on avait peur d'être accusé d'anthropomorphisme. Donc j'allais dire, on était plus rigoureux que les autres. Nous qui avons des noms, on leur mettait presque des numéros pour qu'on ne nous accuse pas, comme avait eu malheureusement Jane, d'anthropomorphisme et tout. Donc on a mis très longtemps, on y est presque certains signes d'empathie, d'émotion, tout pour avoir le droit de dire attention. C'est pas aussi simple. Ils sont beaucoup trop proches de nous, mais c'était absolument pas accepté par la communauté scientifique. Donc après sont arrivés De Waals, des tas d'autres primatologues. De Waals dit d'ailleurs le pire c'est l'anthropodéni, c'est-à-dire le déni de l'anthropomorphisme, parce que oui, il faut faire un peu d'anthropomorphisme. Et qui plus est, chaque fois qu'on faisait une expérimentation scientifique, évidemment elle ne se renouvelait pas. Et on disait c'est une simple anecdote. Puis entre-temps, comme je vous l'expliquais, l'Europe des zoos s'était mise en route, l'association des vétérinaires, les soigneurs, on a commencé à se donner beaucoup d'échanges. Je pourrais vous donner l'exemple d'un animal qu'on a appelé Ralphina, qui a été dans les années 90 aussi, qui a été récupéré à la douane de Roissy. Bon, faisons court, qui est resté un moment avec nous et qui a eu un petit. Elle était paniquée complètement. Elle ne savait pas qu'en faire. Un orang-outan ? Un orang-outan, oui, pardon. Vous voyez, je suis tellement habituée à les appeler par leur prénom, vous avez raison. Pour son premier-né, elle a paniqué. On a tenté de l'habituer. Il y a du coaching maintenant, énormément dans les zoos. Les gens, on les approche. Au début, on ne voulait pas les approcher, on voulait les rester sauvages. Maintenant, on a compris qu'il fallait les coacher, en somme, du training médical. On lui a montré des bébés, elle est restée à côté de Nénette, mais on n'avait pas de petits à ce moment-là et tout. Et finalement, décision a été prise de l'envoyer en Angleterre avec des femelles qui allaitent. Et elle a repris une vie d'orang-outan et elle élève ses petits. Donc ça se réapprend, parce que l'instinct maternel, là aussi, on ne savait pas, nous. On croyait que c'était automatique. C'est pas automatique, même chez les grands singes. Il y a un apprentissage. Et ça, on l'a pris sur le terrain. Et en nature, souvent, les premiers-nés sont perdus. Et c'est un brouillon. Mais nous, on se disait, ça y est, on ne sait rien, on est nul, on a fait une erreur. Vous savez, heureusement d'ailleurs, la science, c'est le doute, hein, on n'a jamais de certitude. Et en plus, on se disait, on se projette. J'ai passé 6 mois au Cameroun dans un centre de réhabilitation des chimpanzés orphelins, donc qui venaient du braconnage, et qu'on essaye de réadapter à la nature pour pouvoir éventuellement les relâcher plus tard. Cécile Néel, éthologue. Je travaillais avec des gens qui faisaient des confiscations et des arrestations dans le trafic d'espèces protégées. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs reprises à la maison avec un chimpanzé dont il fallait s'occuper avant qu'il parte dans les centres de réhabilitation. Donc, c'est comme un bébé humain. Et on doit s'en occuper toute la journée. Il faut lui donner le biberon. Ben, on lui met des couches. Ça, c'est plutôt pour nous, pour éviter d'en avoir partout. Il dort dans notre lit et il ne nous lâche plus, quoi. Et au moment de s'en séparer, c'est quand même un peu difficile pour tout le monde. Il veut pas dormir. Ça pleure un bébé chimpanzé? Ouais, ça crie. Ça crie et ça fait des caprices. Est-ce que quand on se retrouve avec un bébé entre les mains, entre les bras, son propre enfant, un nouveau-né, on retrouve des sensations qu'on avait quand on s'est occupé de bébés chimpanzés? Bah, comme les bébés chimpanzés étaient ma première expérience de maternité, entre guillemets, Je trouve que les bébés humains sont beaucoup plus difficiles parce qu'ils savent pas s'accrocher, donc t'es obligé de les porter tout le temps. Et ça, c'est un problème. Les bébés chimpanzés, quand je m'en occupais, ils étaient accrochés à nous H24, mais relativement autonomes dans la mesure où ils s'accrochent vraiment physiquement, ce qui laisse les deux mains libres sans porte-bébé. Donc il m'arrivait de prendre des douches. Si le bébé chimpanzé voulait pas me lâcher, je mettais devant, je me douchais derrière, je mettais derrière, je me douchais devant. Donc il était même avec moi sous la douche. Mais j'avais toujours mes deux mains libres. Et pour les bébés humains, je trouve que ce serait mieux s'ils savaient s'accrocher tout seul. Ça rendrait les choses plus faciles. Cette guenon se gratte l'intérieur de l'oreille avec son auriculaire. La voilà qui s'arrête maintenant pour en examiner l'ongle avec minutie. Un orang-outan femelle se prépare un lit. Soudain, elle hésite avant de placer une poignée de paille sur le sol, comme si elle avait entendu une sirène. Ses gestes nous sont intimement familiers et étonnamment étrangers. La même remarque s'applique à la plupart des pièces jouées sur chacune des scènes. C'est parce que nous nous sommes pendus aux arbres que nous avons de longues clavicules qui maintiennent nos bras éloignés de la poitrine. Des poignets qui permettent de plier les mains dans tous les sens et des articulations à l'épaule autorisant les bras à pivoter. C'est pour s'être pendu aux arbres que l'un des acteurs peut se jeter dans les bras de sa mère et pleurer. La brachiation nous a donné une poitrine qu'on peut frapper et contre laquelle on peut se blottir. Aucun autre animal ne peut en faire autant. Notre ancêtre commun, avec les grands singes, a dû sortir un jour de la forêt. Et vous, vous y retournez dans la forêt, chez les Mazis ? Chaque fois que je retourne à la forêt, je marche. J'ai tous mes sens qui sont vraiment au maximum. Et la possibilité de voir loin à travers les feuilles, la possibilité de sentir toutes les odeurs qui arrivent. Même l'odeur d'un dos argenté qui passe, donc on sait qu'il est prêt. C'est une odeur très très puissante, oui, très, un peu musquée, on dit. Et chaque individu a son odeur. Donc effectivement, parfois je peux reconnaître le gorille, l'individu même, à partir de son odeur. C'est une question de survie, je pense, d'avoir conscience de l'environnement qui est très, très, qui est multiple. Et je pense que c'est vraiment, c'est tellement facile de se sentir comme ça que je pense que c'est vraiment dans notre génétique qu'on retrouve des sensations primordiales. Et vous avez un petit carnet, vous notez des choses dessus? Oui, j'ai beaucoup de carnets, vous pouvez voir, qui sont spéciaux pour écrire sur la pluie. Donc, ce sont des papiers spéciaux. J'écris très, très petit parce que ça coûte cher, ce type de... Là, c'est la langue locale, le sango. Moi, je parle le sango depuis le début, depuis 20 ans que je travaille là-bas. Qu'est-ce que vous avez écrit? Ça signifie « petit femelle ». Et ça, c'est le nom qu'on a donné à cette petite femelle qu'au début, on ne connaissait pas, Mopambi. Et c'est le nom d'un arbre de la forêt où on l'a rencontré pour la première fois. Parce que je travaille avec les pygmées Aka, qui sont les acteurs masqués de mes recherches. Sans eux, je ne pourrais jamais, jamais retrouver les gorilles chaque jour. Et eux sont incroyables dans la forêt. Ils sont des ballerines qui bougent en silence dans la forêt et qui trouvent chaque signe des animaux. Ils peuvent reconnaître qu'une feuille était déplacée par un gorille et pas par un chimpanzé. Je ne sais pas comment ils peuvent le faire. Et grâce à eux, on retrouve chaque jour le même individu pour les habituer à notre présence. On utilise leur connaissance des chasseurs pour pouvoir, entre guillemets, chasser, mais n'est-ce pas chasser, c'est pister, donc comme pisteur pour chercher les gorilles. J'ai l'impression que le plus vieux des gorilles est aveugle. Je pose la question à sa gardienne, une jeune blonde. « Oui, me répond-elle, il est presque aveugle. » Je demande « Quel âge a-t-il ? » Elle me regarde attentivement. « À peu près votre âge, dit-elle, un peu plus de 60 ans. » Vous revenez d'Ouganda, Sabrina Krief, où vous avez fait des observations pendant un mois. Quels individus avez-vous suivis et quels sont vos champs d'observation ? Alors depuis une vingtaine d'années, donc je travaille en Ouganda, dans le parc national de Kibale, qui se trouve pas très loin de la frontière avec la République démocratique du Congo. Et depuis 10 ans, on suit une communauté de chimpanzés qui est constituée d'à peu près une centaine d'individus. Et ces chimpanzés, moi je les retrouve 2 à 3 fois par an, mais au quotidien, ils sont suivis par mon équipe. Donc, qui est composé de 25 Ougandais, dont 8 d'entre eux suivent tous les jours les chimpanzés. Donc, moi, tous les jours, j'ai des nouvelles de la forêt, tous les jours, j'ai des nouvelles des chimpanzés. Qui plus est, aujourd'hui, grâce à différents objets numériques, hein, mais tous les jours, je sais ce qui se passe au cœur de la forêt. Donc, aujourd'hui, mes travaux de recherche s'orientent plus particulièrement sur les relations entre les humains et les grands singes, à savoir quels sont les effets des activités de l'homme sur le comportement, la santé et la survie des chimpanzés, de ce petit groupe de chimpanzés. On a choisi cette zone qui est tout à fait particulière. On est dans une aire protégée, donc un parc national. Mais tout autour de ce parc national, à la lisière, se trouvent des champs donc de maïs, de thé, des plantations d'eucalyptus. Et le territoire des chimpanzés est traversé par une route nationale. On a filmé les traversées et on s'est rendu compte que les mâles adultes souvent menaient la traversée et encadraient les individus les plus vulnérables, à savoir les femelles avec des enfants et aussi les individus mutilés, parce qu'on a environ 30% des individus qui ont des bras ou des pieds en moins à cause des pièges des braconniers. Et donc une sorte de notion du risque non seulement, mais aussi de protection des individus les plus vulnérables, montrant là encore que jusqu'à un certain point, ils sont capables de réagir et de s'adapter à la présence humaine. Mais assez rapidement, au fur et à mesure qu'on observait ces chimpanzés, qu'on se rapprochait, qu'on réussissait à rentrer dans leur intimité, on s'est rendu compte que certains d'entre eux avaient non seulement des membres en moins, mais aussi des visages assez particuliers. Une femelle avec un bec de lièvre, et puis d'autres individus avec des malformations au niveau du visage et des narines rétroversées ou des ailes du nez absentes. On a 2 hypothèses principales. L'une, que ça pouvait être génétique, parce qu'a priori, il n'y avait pas de lésion, donc les enfants semblaient naître comme ça. L'autre, que ça pouvait être un effet environnemental, peut-être à cause de cette proximité avec les humains. Donc on a mené les 2 études de front, on a éliminé une cause qui serait purement génétique, à savoir... c'est pas un père qui transmet un problème ou une mère qui transmet un problème. On a à la fois dans une même fratrie des enfants atteints, des enfants non atteints. Donc l'hypothèse qui reste la plus forte est celle de la pollution environnementale. Et donc c'est un des points qui nous intéressent tout particulièrement aujourd'hui et qu'on développe. Donc nos premiers résultats, on les a obtenus à partir d'analyses des sédiments, des graines, des tiges de maïs et de l'eau des rivières. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait jusqu'à 15 pesticides et insecticides dans l'eau des rivières qui traversent le territoire des chimpanzés. Ces pesticides viennent des plantations voisines. Donc par exemple, on a beaucoup de glyphosate qui vient des plantations de thé, mais également de l'imidaclopride, donc les néonicotinoïdes, les fameux tueurs d'abeilles, hein, qui se trouvent être présents dans l'enrobage des graines de maïs. Les fermiers achètent des graines de maïs au village ou en ville, qui sont vertes, bleues, rouges, avec comme une pellicule directement de l'insecticide. Donc une des hypothèses serait que les femelles, quand elles sont gestantes de leur bébé, quand elles vont consommer le maïs ou qu'elles mangent aux alentours des rivières, sont exposées à cette pollution et que ça intervient au moment de la formation du visage du bébé chimpanzé, du fœtus, ce qui expliquerait ces stigmates sur leur visage. Mais c'est des choses qu'on est encore en train d'explorer. Donc cette cohabitation avec l'humain, elle est de toute façon délétère. Elle est complexe parce que il y a à la fois un conflit pour l'espace. les chimpanzés vivent en forêt, on le disait. Dès qu'on franchit la frontière du parc, on est dans des zones avec des champs à perte de vue. Cette forêt a disparu. Donc on a l'impression qu'il y a d'un côté l'espace des humains, de l'autre côté l'espace de la faune sauvage. C'est ce qu'on a voulu, enfin, c'est ce qui a voulu être créé par le parc national. Et ça montre que ce système ne fonctionne pas du tout. On a voulu exclure les humains de la forêt pour protéger les animaux. On interdit aux humains d'aller en forêt pour avoir des activités traditionnelles, donc certes la chasse, mais aussi simplement herboriser ou collecter du bois de chauffe. C'est pas forcément quelque chose de favorable à la préservation, voire c'est carrément l'inverse. Parce qu'on ne peut pas leur demander de protéger des animaux alors qu'ils n'ont que des effets négatifs. Des éléphants qui viennent détruire leur culture, des chimpanzés qui viennent piller. Donc il faut essayer de réconcilier ces deux mondes. Et donc on a des projets dans ce sens-là. On a une équipe qui travaille pour enlever les pièges, mais surtout pour essayer de comprendre pourquoi les pièges sont mis. Puis notre projet à terme, c'est de modifier les pratiques agricoles à la demande hein, des villageois, de les aider à transformer un peu le système pour que les animaux réduisent leur pillage. Et aussi pour que les intrants chimiques soient moins utilisés. Donc obtenir des rendements relativement équivalents, en tout cas des prix de vente et des revenus pour les petits producteurs suffisants, sans qu'on soit obligé d'asperger de pesticides ou d'insecticides. Un jour, on était avec les gorilles et il y avait la pluie toute la journée, depuis le matin, pleuvait. Et on était avec Makumba, le doigt argenté du groupe que j'étudie depuis longtemps, qui, je ne sais pas pourquoi, il est sorti dans cette clairière et, je ne sais pas, les deux pistères pygmées qui étaient avec moi, ils se sont mis plutôt cachés dans la végétation pour se réparer de la pluie. Et donc, moi, j'étais toute seule en face de Makumba, qui était vraiment en totale visibilité de moi. Il était, je pense, à 5 mètres de moi. J'étais vraiment, vraiment pas très couverte. J'étais en train de mourir de froid parce que c'était toute la journée que j'étais avec eux. Et il pleuvait. Il me regardait. Et je pense qu'il me disait, mais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là à me regarder? Pourquoi tu rentres pas au campement? Il fait froid, il a la pluie. Et à un certain moment, il s'est mis à faire un frappement de poitrine juste en face de moi. Et j'étais totalement, totalement capturée par cette vision de cette puissance énorme, cette beauté, parce que je le trouve incroyablement beau, et être accepté par un gorille qui te regarde, un dos argenté énorme, qui est assis en face de toi à 5 mètres, te regarde dans les yeux, c'est un privilège que vous ne pouvez pas vous imaginer. Dans les yeux de gorille qui me regarde, là vraiment je vois toute notre histoire. Ça c'est vraiment incroyable. C'était photos de famille, des singes et des humains. Avec Marie-Claude Bomsel, Sabrina Krief, Éric Baratet, Jean-Pascal Guéry, Shelly Mazi et Cécile Néel. Les extraits de « Pourquoi regarder les animaux » de John Berger sont lus par Christophe Brou. Enregistrement Thomas Robin, Loïc Duros et Audrey Guélil. Mixage Alain Joubert. Un documentaire de Marie Chartron et Anne Fleury. Oh.